Moïse rassemble devant ta gloire, Aaron et ses fils à tes pieds. Devant l'assemblée dans l'histoire, tu appelles ceux que tu as choisis. L'eau coule sur leurs vêtements, tu purifies ce que tu as pris. Chaque geste devient engagement, chaque pas devient obéissance de vie. Ce n'est pas l'homme qui se choisit, c'est toi qui l'appelles à servir. Me voici devant ta face, marqué par ton onction. Tu m'appelles, tu me consacres pour marcher dans ta maison. Me voici que tu revais ne s'abandonne, c'est ton allié.